か。 Thank you. Aucun seigneur en soi ne pouvait parler sans la victoire. Le peuple n'a pas de la victoire. Pour une couronne impériale, il y a un temps. Crank that. Yeah, that bass adds that nice, warm, fuzzy feeling. Somebody's doing mouth drums over there. Hay un master drum. ¿Cómo están todos? Thank you. Thank you.